Chico. Intro de la mixtape sans expression, gros. Dans le rap français, c'était là pour clasher. Viens pas me tester car je vais être niqué. J'suis trop foncé, tu pourras pas m'arrêter. J'ai pas besoin de ton avis alors que c'est ton d'ici. J'ai débarqué dans le rap à 16 j'ai des putains de potes trop d'air qui prédiquent ton sky au vicaire. Tous rendez-vous au comptoir tous les week-ends, c'est toujours la même. Là c'est Silco qui a dédicace au Nick Bédo. Qui tease tous de l'accro, qui fume du bédo. Si ici si, t'inquiète, tu prends un point de test. Normal sur lui, j'ai une pointe de chute. Ok, ça fait mal. C'est quand toujours au Mac, maintenant je me rattrape au rap. Du son qui te frappe, pour que son DJ, personne peut me stopper. À fond dans la course, pour écouter mes sons, faudrait une bourre. Si quelqu'un peut m'arrêter, qu'il le fasse maintenant et pas après. Si tu veux me tester, t'as intérêt à m'attraper. Personne peut m'arrêter lorsque j'ai envie de rapper. Viens sur mon blog, écoute mes sons et lâche tes coms. Sur la mixtape qui tape un coup de baïonnette. Si tu pénètes dans mon sanctuaire, t'attends pas qu'on fasse des affaires. Un petit pas pour le bédo, un grand pas pour Silco. On vit des trucs de fou, alors fais pas le fou. Pieds sur terre, pas comme certains qui font la grosse commerce. Tu veux du bled, production, bientôt la mixtape sans expression. J'suis comme un tigre blanc avec le regard méchant et le profil méduisant. J'ai jamais été au Bataclan, mon rap c'est comme un Big Bang qui explose comme la bombe Hiroshima. J'suis aussi chauffant que du magma. J'suis pas un mec chelou parce que j'suis trop un fou. J'suis pas un psychopathe car mes sons que tu as coup d'âge. Alors ne dis jamais, jamais, car les pires choses de ta vie peuvent t'arriver. On kiffe le shit et les fesses. Si tu veux du test, nous on te baisse. Et ouais, ce son c'est pour la mixtape. Depuis que tu es parti, rien n'est plus pareil. Ça me donne envie de pleurer, chaque fois que j'entends ton nom à mes oreilles. À cause de ça, maintenant c'est moi qui paye. Tu nous as quitté à 26 décembre 2002. Maintenant c'est moi qui prends pour si peu. Je me suis mis à rapper pour dire ce que ça m'a causé. J'oublie cette souffrance en pensant à toi. Je suis plus sensible quand je pense trop à toi. Ta mémoire sera toujours ma foi. Mais tu peux compter sur moi, même si tu n'es plus là. Ton départ, ça me désole, j'ai trop fait de conneries à l'école. J'ai fait quoi, mon dieu, pour mériter ça? Je voulais que tu partes plus tard pour que tu puisses partir en même temps que moi. Ceux qui t'ont fait ça, c'est sûr qu'ils vont regretter. Ils savent même pas travailler à cause d'eux, maintenant tu es décédé. Le Silco. Garde les pieds sur terre, pas comme certains qui font la grosse commerce. Studio du bled, production, bientôt la mixtape sans expression. J'suis comme un tigre blanc, avec le regard méchant et le profil méduisant. J'suis comme un renard des neiges, mais sans te prendre comme un piège. Orini Club Bédo, studio du bled, production. Ici personne ne parle, wesh, wesh. Dans les rues y'a des pédales, alors fais gaffe à tes fesses. Fesses, il faut s'y mettre à fond. Le rap c'est mon terrain, alors je mets les crampons. Écoute bien ce flow, oui c'est moi Silco. Ce son vient du studio, on fume le chic comme en Jamaïque. Alors ne sois pas en panique, agent c'est putain de raciste. Après réflexion faite, ça veut se mettre au rap. Après ça redevient des putains de fascistes. Pas comme ces Kairos qui se la ramènent devant moi. Si ça continue, moi je vais les péter. Comme une bague en fer, la scène Gecko et sa chevalière. Je suis un rappeur trop fier. Car ici son CV, toujours là pour te niquer. Oui c'est ma street, c'est c'est ma clique, mais t'inquiète, on te nique. Le prix à payer, c'est de pas tout casser, ni de tout cramer. Dans ma tête, je suis un cramé. C'est Cody Wattie, mais tous les nos clics, on est là pour représenter la street. Car le prix à payer, c'est de pas nous tester, et c'est pas nous mettre une biture. Sinon, mon rap te fera ma coupe si t'avais pris un mur. Le prix à payer, c'est de pas nous arrêter. Si, si, c'est trop laser, mais je dis tous les MC qui voudront ma peau et tous ceux qui gratteront sur mon vaisseau. Le prix à payer, c'est d'avancer dans la vie et non reculer. Car la vie est faite de bien, mais surtout de mal. Quand tu nous écoutes, tu t'étales. Le prix à payer, c'est de toujours se démerder. Surtout de trouver un producteur et un studio pour enregistrer. Mon blaze est diminutif, mon rap est évolutif. Car le prix à payer, c'est de pas s'emmerder. Viens faire un tour au studio, tu plais, passer des soirées. Si, si. Et ouais, c'était l'intro de la mixtape. Restez à l'écoute, les gros.